Moi j'investis, je veux pas finir dans le fond. Je suis impliqué dans la DC, j'ai tout ça c'est qu'un temps. Dans la location, ça roule sans permis. Mais c'est comme ça, c'est la cité, c'est l'équipe de Dodge. C'est reparti, impliqué du lundi au samedi. J'ai cassé des tours pour pas cramer le point de deal. La recette du soir me redonne l'appétit. Ma vie se résume à une seule chose: écrire des 16, esquiver le 17. Des frères en mes pères, je bois du whisky sec. Je me rappelle que mes problèmes font mal à la tête. J'ai la musique et l'alcool dans le sang. On anticipe ce qui n'est pas dans le plan. On rentre dans la banque, dans la planque. On tape tout ce qui rapporte, envoûté par les billets de sang. Je suis avec Brabus, on foule le grabuge. Azelé, te t'es cramé sous la capuche. En ce moment ça va plus, je remets les pendules. 10h, on était déjà dehors comme des crapules. Moi j'investis, je veux pas finir dans le fond. Je suis impliqué dans la DC. J'ai que tout ça c'est qu'un temps. Dans la location, ça roule sans permis. Mais c'est comme ça, c'est la cité, c'est l'équipe de Dadji. Numéro 9 comme Suarez. Dadji, Dadji, Dadji. J'ai pris mon cas ce week-end. J'suis rempli, rempli, rempli. J'suis dans l'alcool, fer au terre. Ça coquine, coquine, coquine. J'suis trop pété sans m'y perdre. Dadji, Dadji, Dadji. Mon cœur est pris, la street m'attire. J'suis dans la zig et dans le trafic. J'ai jeté les cahiers pour les cochis. On passe la maison d'arrêt aux maisons 10. Choquant comme une serre qui se pète lundi. Pas peur du star, on prend des risques. VPN et leur liga mobile. J'ai brouillé le réseau, y'a plus de mobile. Numéro 8, gravé sur mon dos comme dos. J'en plus des bouquets, tu passes au clos. J'ai eu du projet, fais ce qu'il a pour rien de grave. J'suis avec R8, j'prends une graille vers le clos. Dans le Clio 4, on est tous dedans. A 200 sans permis, j'suis sous substance. La Versace, elle va comme un gant. C'est l'équipe de Dadji qui prend ton gang. Moi j'investis, j'veux pas finir dans le fond. J'suis impliqué dans la DC, j'ai tout ça c'est qu'un temps. Dans la location, ça roule sans permis. Mais c'est comme ça, c'est la cité, c'est l'équipe de Dadji. Numéro 9 comme Suarez. Dadji, Dadji, Dadji. J'ai pris 20 cas ce week-end. J'suis rempli, rempli, rempli. J'suis dans l'alcool, fer au terre. Ça coquine, coquine, coquine. J'suis trop pété sans m'y perdre. Hop hop, 6h, ça toque à la porte. Maman n'est pas contente de qui vient me voir. Ils sont là pour une perquisition. Car t'étais sous commission, regarde-toi. Tu connais ton train de vie. Et tu sais aussi ce que ça implique. C'est ça d'être en trafic. J'fais mes plavons en solo, pas besoin d'équipe et ça pégait toujours quand les gars faut partager le rien qui fait l'ancien. Mais je crois qu'il oublie que c'est par les microbes que Zepex s'est fait fumer. Hein, jeune négro dans la haute couture comme Mitch. Maintenant j'ai plus le temps pour ces bitches. J'dégaine un Gucci ou Kenzo. Désormais j'peux faire parler. Moi j'investis, j'veux pas finir dans le fond. J'suis impliqué dans la DC, j'sais que tout ça c'est qu'un temps. Dans la location, ça roule sans permis. Mais c'est comme ça, c'est la cité, c'est l'équipe de Dadji. Numéro 9 comme Suarez.